Du coup, Mais quel est Raymond? hot dog? Du T'as un coup, transfert? La Rémi, banane? parle-nous de toi. RMI? Non, RMI, c'est le RSA maintenant. Rémi, parle-nous de toi. Bonjour, je m'appelle Rémi. Bonjour Bonjour Rémi. Rémi. Cela fait bientôt une semaine que je n'ai pas bu d'alcool. C'est bravo. C'est dur. C'est plutôt mou. Et il y a deux gros connards qui jouent Non. avec des céréales. Ta gueule. Voilà. Pendant que On n'a tu pas parles. dormi. Bah Le moi non bruit plus. des céréales, Non c'est plus, gratuit pour hein. vous au micro. Du coup. Hier, on s'est couché à 4h du mat et aujourd'hui, on n'a pas fait C'est bien, je vous félicite. Du coup, Rémi, oui, Merci. on part un peu en live tout le temps parce Je qu'on est un t'en peu prie. fatigué. Ouais, Et du coup. je vois ça. Vous avez des touches, des poches sous les Ouais. yeux pour y mettre mon Absolument pas. portable, c'est On peut génial. ranger des trucs sous nos yeux maintenant. Ouais, c'est pratique. Regarde ma Tu te carte casses? vitale. Ah, tu veux Tu quoi? veux. Ah Envoyer ouais, un mais nouveau papier? bien sûr, tout à fait. Oh là. Here comes a new challenger. Yeah. Bah là, oui, là, c'est Ta compliqué. ta ta ta ta ta Attention ta à ta ta ta ta l'hôtel ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta En fait, Rémi, jamais t'arriveras à démarrer ton émission. Non. Exact. Non mais Ça va c'est-à-dire être le moi running gag mon de la. défi c'est de ne pas commencer mon émission. Non, ton Voilà. défi c'est de commencer. Parce Nous, c'est de te que l'empêcher. j'ai Non, non, promis non, de on a besoin l'hypnose de mais je ne cette sais heure. pas faire Ouais, d'hypnose hein, c'est un mensonge et il le croit encore. Voilà donc Non, les mais non. auditeurs sont dans la confidence et les autres ne le savent pas donc ne leur dites pas. Donc du Oh coup, wait. tu vas nous parler de toi. Que fais-tu, Rémi? Pourquoi es-tu invité à la nuit anonyme? Parce que j'habite pas loin. C'est pas C'est une faux. bonne réponse. C'est pas Parce que faux. personne ne veut venir. Non, j'ai été invité à la nuit anonyme parce que je suis. Mais toi, tu es youtubeur, il me semble. Un petit peu. Ah, Sur y a le une chaîne fils caché YouTube de cachée. Patrick Beau. Alors, il y a eu un essai de chaîne YouTube et il y a quelques vidéos de moi qui fait de l'hypnose aussi disponibles Donc, sur YouTube. tu n'es pas tout à fait anonyme. Je. C'est peut-être le plus célèbre d'entre nous. Ne stresse Eh pas du oui, un tout. 1200 vues sur Peut-être la que vidéo ben, c'est le d'hypnose. plus Voilà. célèbre de nous de tous. C'est le fait d'être fan de Nagui, ça. J'ai été sacré Ouais. fan de Nagui plus tôt. Et donc, peut-être une vraie Pénis. chaîne. Oh mon Dieu, oui. Oh, c'est casé. Peut-être une chaîne YouTube qui arrivera plus tard dans ma vie. À Très propos des bien. pénis ou rien à voir? Oh, pourquoi pas? Est-ce L'hypnose que. des pénis. Tu vas te redresser, pénis. Combo! Et tu vas jouer. Est-ce que tu vas jouer de la flûte comme les serpents? C'est quoi ces Alors, clichés Mathias, si tu as dégueulasses? déjà vu un serpent jouer de la flûte, c'est que tu as vraiment un problème de drogue. Mais c'est quoi? Mais c'est quoi ces clichés dégueulasses? Je suis. Hey, on va sortir un Surtout que truc c'est pas là. l'hypnose. Cliché. Bah, ouais, c'est bon, hein, Non, non, on peut non. être ignorant, hein? Non. Non. Va-t'en. Ok. Si je me casse, il n'y a plus aucun savoureux ici, c'est n'importe quoi. Ah, on a un nouveau commentaire. Oh. On demande le nom de sa Ah, le nom de ma chaîne. chaîne pour les auditeurs attentifs. Alors, c'était il y a un peu 2 ou 3 ans, donc ça a sans doute vieilli et c'était pas forcément génial. Mais ça s'appelle Aeweird au pays des merveilles. Donc Aewyrdo pays des merveilles. Voilà. Donc ça, c'était mon échec. Aeweird, c'est Alice en belge. Non. C'était la blague de merde. C'est le Et point là, tu l'as culture. remarqué, C'est tout le le monde a point culture. rigolé. C'est tout le monde a fait. Sérieux? Pas Ah du tout. ouais. Ouais, tu rajoutes C'est une petite faux. blague derrière, en fait. Et sinon, ma chaîne où il y a les vidéos d'hypnose, c'est Shywick. Shywick. Et jamais tu utilises des noms faciles. Ouais. Non. Genre Rémi Magicien. Rémi l'hypnotiseur. Du 59. Du 59. Tu vois, c'est facile de faire ce genre de truc. Justement. Hypno-Rémi. Ah oui, Hypno-Rémi. On essaye de lui trouver un blaze. Rémi Pno. Ah, Rémi Pno. On dirait un Pokémon. Rémi Pno. Rémi Pno évolue. Tin, tin, tin, Pokémon tin. de Pikmin. Il utilise la capacité trouble pour troubler ses ennemis. Hypnose. Donc du coup, tu fais un peu d'hypnose. Je fais un peu d'hypnose, il est vrai. Mais genre, alors moi, ça m'intéresse beaucoup l'hypnose. Ouais, est-ce que À chaque Est-ce fois, que ça t'as va, on vraiment ressent. hypnotisé genre quelqu'un, mais vraiment Ouais, puissamment? et bah déjà. Genre, tu lui fais faire ce que tu veux. T'as déjà réussi à faire voler quelqu'un? Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Alors. Dis-nous en quoi ça consiste ton hypnose en fait. Et Parce monsieur, que. monsieur, moi j'ai une question. Ça va être ta Ok. conférence de presse, Bah, quoi. ce qu'on va faire, vu que j'ai 1 heure à tenir, je vous propose déjà de me poser vos questions par rapport Ouais. à l'hypnose, que moi je vous réponde, comme ça Et calme. également par internet. Et les auditeurs aussi, hein. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit me re-si. Ben voilà, c'est gentil. En fait, il n'y a qu'une seule personne qui parle. Ouais. Ouais, mais c'est bien. C'est Clara. Bien. Faut lui offrir un kebab. Les savoureux t'offriront un kebab. Je trouve que tu t'avances beaucoup. Sur les frais de la nuit anonyme. Donc, parle-nous d'hypnose. Alors, l'hypnose, qu'est-ce que c'est quoi ? Mais dis donc, c'est quoi l'hypnose ? Eh bien, c'est simple. C'est pas du sommeil. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand on est hypnotisé, les gens dorment. Non. Je réponds à cette question tout simplement par un seul mot. Non. Voilà, vous avez faux. En même temps, pourquoi ? C'est un abus de langage. Quand l'hypnotiseur dit « Et maintenant, vous fermez les yeux et vous dormez bah », forcément, tout le monde pense qu'il pion sur le podcast. Exact, exact. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on utilise tant le mot « dort » ? Bah, c'est-à-dire que si tu lui dis « saute », ça marche moins bien. Le mec se fait couper tout le temps, quoi. Maintenant, sauter. C'est surtout que « dort », ça marche bien, c'est percutant. C'est... Ça fait pas le même effet. Voilà, c'est... On pourrait utiliser le mot banane hein, foncièrement, puisque c'est juste histoire d'avoir un signal. Je te propose d'utiliser le mot banane. Bah, non, on a qu'à dire le mot pénis aujourd'hui. Du coup. Oh oui, pénis. Ouais. Pénis et... Si t'arrives à endormir quelqu'un avec le mot pénis, le challenge du jour. C'est un challenge que je relève. Là, t'as un kebab, là, c'est juste, sûr. Et juste, on est d'accord, si j'endormis quelqu'un avec le mot pénis. Si j'endormis. Oui, si t'endormis. Si t'endormis. D'habitude, je dors jusqu'à 3 heures. Il faudrait que tu hypnotises un dictionnaire d'abord. C'est chaud, ça, c'est compliqué. Grave, si t'arrives à hypnotiser quelqu'un ici, sauf Pierre, parce que Pierre, il va marcher tout de suite. Trois kebabs au nom pénis, de Samuro. Mon gars. Ok. Ok. Par les gars. Non mais Pierre, il n'y a pas besoin d'hypnotiser, il dort direct. Hein. et du coup, tu peux le faire à n'importe qui. Alors, je ne peux pas faire ça à n'importe qui. Déjà, si la personne ne veut pas être hypnotisée, elle ne pourra pas être hypnotisée. Si elle porte des lunettes. Si elle en fait, en gros, Eve essaie de te faire dire c'est moi qu'il faut que tu hypnotises, c'est moi qui vert. Non, parce que je veux qu'au mot pénis, je vais me marrer. Je te perturber. Je t'endormirai avec le mot pénis, j'essaierai. Je t'endormirai avec mon pénis. Ah. C'est marrant parce que si t'arrives à ce moment-là dans l'émission, tu peux. Je parle pas de avec pénis. Nous ne parlons pas de bif, nous parlons la de. La nuit pénis. Nous parlons d'hypnose. C'est plutôt genre comme il y avait des verres, tout ça, tu pouvais pas traverser jusqu'à ses yeux. L'hypnose, c'est pas. C'est pas des ondes, l'hypnose, c'est pas un rayon magique, c'est. Pouvoir. Rayon magique. Rayon magique. Wix Club. Ça doit être horrible. Ça doit être horrible pour Rémi parce que il a quand même une brochette de gros connard qui arrête pas de lui dire ouais l'hypnose c'est des trucs attends genre t'envoies des rayons quoi t'es magicien. Et puis tu dis pénis aussi. C'est le gros cliché. Ouais je l'hypnose en fait non, c'est de la magie. C'est de la magie. L'hypnose c'est des morceaux d'arc-en-ciel. Non mais c'est commercial. Oh. C'est truqué. Alors pour le coup j'ai une vraie question cher Rémi. Oui. Est-ce que je vais réussir à répondre je ne sais pas. Est-ce que ce serait possible. Vu que l'hypnose, tu peux à peu près faire ce que tu veux dans les limites du possible à quelqu'un. Est-ce que c'est possible alors du coup voilà, tu vas pouvoir répondre aussi à ça. Mais est-ce que ce serait possible avec un gros niveau d'hypnose de tuer quelqu'un, de lui demander de mourir. Wow. Non, mais c'est, non, c'est wow. Une question sérieuse. On voit le mec, il a un projet derrière. C'est pour un ami. On ne dira pas de nom. Non mais parce que voilà, je sais que tu vas hypnotiser Eve aujourd'hui, du coup je me dis. Ah que... oh. Alors ça dépend du est-ce qu'on aura notre BTS. Non mais oui, on va avoir notre BTS. Est-ce que tu vas réussir à tuer quelqu'un avec le mot pénis ? C'est la question, je crois. Alors, tuer quelqu'un avec mon pénis, c'est possible, ouais, aussi, avec le mot je ne sais pas. Le mot mais est du un coup, peu alors, petit, c'est embêtant. Alors les deux questions, bon, on peut pas faire tout ce qu'on veut. Du coup, alors. L'hypnose, c'est, donc je le disais tout à l'heure, c'est pas du sommeil, c'est un état de conscience modifié. Globalement, vous êtes en veille. Un peu comme votre PC, c'est-à-dire vous avez l'écran qui, des fois, un mot qui se balade, des bulles, ça dépend de votre écran de veille. Mais non, parce que Mac c'est mauvais. On va pas aller sur ce débat-là, on reprend son hypnose, les gars. Allez. Mac vs PC. Alors. Et Linux. Linux. On parle. Linux. Parlons de Linux. Où sont les pingouins? Sur la banquise ou en train de danser? Sans doute. Donc. Ça fond, alors, parlons de la 41. Vous êtes horrible en fait. C'est impossible de parler avec vous. On se maintient éveillé. Donc. Le rire, c'est la santé. Merci. De rien. Combattez d'ailleurs. Bref. L'hypnose est un état de conscience modifiée. C'est-à-dire, quand j'hypnotise quelqu'un, ou quand je suis hypnotisé, puisque des fois ça m'arrive de me faire hypnotiser. Par ton reflet ? Alors, pas par mon reflet, mais par mon moi dans une vidéo. C'est perturbant. Oh. c'est chelou, ça va. Ou par Mesmer aussi. Genre là, tu ah, mais Mesmer, c'est un ouf. Tu sais, il passe à Lille dans pas longtemps. Ouais, ouais. Je sais pas si t'as vu, tu vas aller le voir. Mais il fait un fight d'hypnotiseur. Oh, mais non, mais laisse-le finir. Il me déboîte. Hein. Mais. Et sinon, moi j'ai une question. Attends. Je suis sur sa question. Du coup, pendant l'hypnose, tu restes conscient de ce que tu fais. Tu gardes ton libre arbitre pendant l'hypnose. Donc, tu ne peux pas faire quelque chose que tu ne veux pas faire. Si je dis à quelqu'un « déshabille-toi », si cette personne n'a pas envie de se déshabiller, si normalement elle ne se déshabillerait pas, si ça va à l'encontre de ses convictions, elle ne se déshabillera pas. Et merde, tu vas hypnotiser Eve en plus, c'est dommage. Oh. Non, c'était une blague. Merci. Mais très amusant. Tu rajoutes le nom, ouais, du coup, là, ça derrière. Devient pas très gentil. Ouais. Oh. C'était pas très mademoiselle.com. Oh, oh, ouais. Moi, j'ai une question. Oh. Mais, du coup, si la personne se déshabille, c'est que c'est une personne avec des tendances exhibitionnistes, mais dans ce cas-là, c'est pas ma faute. Moi, t'as même pas besoin de m'hypnotiser pour me déshabiller. Est-ce que si c'est quelque chose de refoulé, elle le fera pas quand même? Ouais. Si elle essaye de se convaincre parce que genre, ça peut... c'est pas est-ce que c'est quelqu'un exhibitionniste, mais qu'au fond d'elle-même, elle l'est. Ouais, pour continuer la question dans la même idée, est-ce que tu atteins son subconscient? Alors, on ne travaille pas avec le subconscient, on travaille avec l'inconscient en hypnose. Mais. Mais le subconscient et l'inconscient, c'est globalement assez proche, en fait. Ça dépend des théories de Freud. Ouais, celui qui disait que quand t'allais pas bien, ça, t'avais envie de coucher avec ta cousine. Voilà, aussi, exactement ça. Quand voilà. Tu prenais un couteau, c'est que forcément t'as envie d'un coït. En fait, Freud, c'est. Enfin, faut prendre et dire le contraire. Ouais. Genre, et du coup, c'est-à-dire que est-ce qu'avec l'hypnose, tu peux faire ressortir les désirs refoulés, enfin vraiment cachés Oui. Mais tu peux le faire avec de la. Alors, c'est de l'hypnothérapie. Tu peux le faire plus avec en fait de la psychanalyse, même si beaucoup doutent de l'utilité de la psychanalyse, pour aller dans l'inconscient et travailler avec le refoulé. L'hypnose permet de rendre plus efficace cette conversation, cette psychanalyse. Et. Oui, continue à parler, ne lis pas le message, c'est bon, ça va bien se passer. Et c'est compliqué, il me parle. Non. Qu'est-ce que je dis ? Oui, donc tu peux travailler avec l'inconscient de quelqu'un, tu peux, par exemple, quelqu'un qui a eu un trauma, qui a une phobie, tu vas aller travailler avec les souvenirs refoulés. D'accord. Et mon autre question sérieuse, c'est est-ce que l'hypnose peut durer dans le temps ? Putain, on n'a jamais été aussi sérieux, les gars. Non. C'est bon. C'est bon, c'est bon, on arrête ici. Voilà. Vers voilà, faut. Et besoin d'évacuer la pression. Non, alors. Et ben, dans le temps, je veux dire, c'est à garder l'hypnose et la ressortir plus tard. Genre dans 10 ans. Garder l'hypnose et la genre ressortir. Genre tu la réveilles pas, tu lui dis pas réveiller. C'est un pouvoir, mais voilà. Genre je te fais un doggy bag d'hypnose. Ouais, c'est ça. Et ouais. Tu le manges chez toi. Non, c'est mais que. Genre tu dis à quelqu'un à partir de maintenant, tu t'appelles Martine, jusqu'à ce que je dise que tu t'appelles par ton vrai nom. Et tant que tu l'appelles pas par son vrai nom, il va s'appeler Martine pendant 10 ans, tu vois. Non, alors. En moyenne. Il n'a pas rêvé de s'appeler Martine. Hein. Pour aller à la mer. Ou chez Jawad. Mais tout le monde peut aller chez Jawad. Pourquoi t'as fait la vie anonyme là-bas? Ah, bonne idée. Ça aurait été trop bien. Putain. Non, mais on le laisse parler. Ah oui, on peut pas isoler. Bref. Si. Par exemple, si je colle quelqu'un à une chaise et que je m'en vais. Alors s'il y a un danger immédiat, la personne pourra se décoller directement, c'est-à-dire si tu te sens en danger, tu sors de transe. C'est sûr à 100% ça ? Oui, c'est certain. Par exemple, j'avais fait une... L'instinct primaire ? Exact, c'est l'instinct de survie, voilà. J'étais avec une quinzaine de personnes, je faisais une séance d'hypnose, et à un moment, je leur dis, bon ben bah, maintenant, le sol devient le plafond et le plafond devient le sol. Je claque les doigts, alors, oh, ils sont tous en mode... Quoi ? Donc tu prends un objet, tu fais « Elle est par où la gravité ?» Alors ils disent tous « Par là ». Tu lâches l'objet, bah, l'objet tombe vers le bas, parce que la gravité en vrai c'est par là, hein, n'oubliez pas. Petit tuto. Toi aussi apprends les lois de Newton avec la vie. et oh, mindfuck parce qu'ils font « What the... Quoi ?» Et donc il y avait une des personnes qui avait le vertige. Et instantanément, quand les trucs se sont inversés, elle m'a fait un gros « Ah, qu'est-ce que c'est ?» Parce que forcément elle avait le vertige, donc elle a eu peur, donc elle est sortie de transe. Donc je l'ai rassurée et après je ne pouvais plus l'hypnotiser. Parce que la confiance avait été perdue aussi. Est-ce que c'est dans ta voix ? Enfin, est-ce que la voix elle a un. Alors. Non, là il se donne juste un style. Hein. Bonsoir, bienvenue sur T'as une voix tellement radiophonique. Merci. C'est un peu forcé. La voix, c'est très important. C'est non, en fait, la voix est importante, mais ça, pas directement avec l'hypnose. C'est des notions de psychologie, de neurologie. Quand tu parles avec quelqu'un, il faut essayer de te synchroniser sur le ton de la voix. Une voix monocorde pour un hypnotiseur, c'est bien, parce que ça fait plus planer. Mais il faut savoir que la personne hypnotisée aimera toujours la voix de son hypnotiseur. La trouvera toujours agréable, en fait, même si c'est une voix horrible. Il faut aussi savoir que souvent, les hypnotiseurs changent de voix un peu quand ils hypnotisent. Il y en a qui deviennent plus aigus, il y en a qui deviennent plus graves. Moi, je sais que la mienne devient plus grave et monocorde. Par exemple, là, je vous parle normalement. Si je commence à faire de l'hypnose, je vais parler un peu plus comme ça. Là, là, je suis dans une voix que j'utilise en hypnose. Voilà, donc il y a une variation. La blague de Bob de Mathias, merci Mathias. Ça, c'était pour la voix. Ça fait un peu voix de violeur quand même. Hein. Non, c'est vrai, ça met un peu mal à l'aise, je trouve. Surtout si tu utilises le mot pénis. Je ne sais pas, je n'ai jamais fréquenté ces gens. Bah, je trouve pas, non. On ne sait pas ce que tu fais quand ils me disent des gens. Sinon, moi j'ai une question aussi sérieuse. Après, il y a le chat qui avait une question. On a gagné un. Ouais! C'est est-ce que n'importe qui peut devenir hypnotiseur ou t'as fait comment toi, t'as suivi des cours, t'as fait une formation, t'as lu un bouquin, c'est inné, tout de suite dans ton berceau t'as hypnotisé ta mère ou j'ai hypnotisé le chien, la sage-femme en fait, donc elle faisait la poule, c'était chiant pour me nettoyer d'ailleurs. Non, alors oui, on a vu tout ça, voilà. On est à jour. Il nous manque l'avant-dernier, là, le pavé. Ouais. Voilà. L'hypnose, c'est pas un don. L'hypnose, c'est un ensemble de techniques. Donc, quiconque a un cerveau à peu près fonctionnel, merde. On ne fera pas de blague, c'est pas trop tard, peut t'apprendre l'hypnose. Cependant, ce qui peut aider à l'hypnose, c'est d'avoir une certaine aisance à l'oral, un certain, par exemple, un charisme sur scène. Et d'être un beau gosse. Ben non, moi ça, tu vois, marche pas moi. Je te jeter des fleurs, tu peux les recevoir quand même. Ah bon, ben. Les accepter des fois. Merci, c'est gentil. Il me perturbe. Ah. Oh. Ça devient. Oh. Oh. On a perdu un visionnage. On a perdu un visionnage, voilà, non. Je t'ai un œil plus ouvert que l'autre, quoi. J'attends qu'un truc, c'est de vous casser de chez moi. Ah, ben c'est pas pour tout de suite, mon petit. Donc, là. Pénis. Pénis. Non, je rattrape le fil conducteur. Vu que l'hypnose c'est de la communication, plus tu communiques bien, plus c'est facile. Par exemple, moi je sais qu'à l'oral je suis assez à l'aise. Je fais du théâtre, ce genre de truc, donc ça aide pour hypnotiser. Mais sinon non, c'est un ensemble de techniques. C'est y a pas de don, y a pas de magie derrière. Voilà. Pourquoi t'as eu envie de te lancer dans l'hypnose? Parce que quand j'étais petit, j'avais deux rêves. Devenir magicien et devenir hypnotiseur. Ah bah non. Et je suis un peu devenu magicien avec les cartes et je suis devenu un peu hypnotiseur. C'est un petit peu, il a un peu une vie, pour ceux qui connaissent, de Damien Maric. Il a fait ce qu'il rêvait. C'est habile. Oui, Damien Maric, c'est un mec qui réalise ses rêves et le rêve des autres. Voilà. C'est beau. C'est beau. Oui. Réalisez vos rêves, c'est important. Du coup, la question. Si votre rêve, c'est de tuer des gens. Parce que... Bah, commencez par vous à ce moment-là. Alors, je sais que c'est un peu rébarbatif, mais vraiment, tuer les gens, c'est pas bien. Du coup, si votre rêve, c'est de tuer quelqu'un, sincèrement, essayez d'éviter. Devenez plutôt hypnotiseur. On rappelle que l'hypnose ne permet pas de tuer les gens. Alors, on demande. Mais quand tu fais danser quelqu'un, point d'interrogation, ou quand on le voit dans les spectacles et que l'hypnotiseur fait la poule. Enfin non, l'hypnotiseur ne fait ouais voilà et qu'elle ne s'en souvient plus. Le libre arbitre a pas un peu disparu? Non. Eh bien non, le libre arbitre dans ces cas-là n'a pas disparu parce qu'on est tous une poule. En fait, on veut tous faire la poule. Voilà, on pense de l'ADN de poule. Non. Alors, pour l'hypnose de spectacle, il y a ce qu'on a. Enfin, après là c'est de la psychologie, là, c'est de la socio en fait. C'est ce qu'on appelle. Moi j'ai vu qu'il y avait l'effet de groupe. Voilà, il y a l'effet de groupe, il y a ce qu'on appelle aussi une échelle de. D'acceptation. Quand on va voir un hypnotiseur, déjà le fait d'aller voir un hypnotiseur, que ce soit thérapie ou spectacle, on a déjà accepté de faire le déplacement. Alors ensuite, dans une salle de spectacle d'hypnose, les gens qui y sont souvent curieux. quand on demande aux gens de faire le test, ils acceptent déjà. Puis, quand on leur dit de venir sur scène, ils acceptent encore, ça crée... En fait, ça augmente leur, leur réceptibilité. C'est ce qu'on appelle en sociaux un yes ladder, donc une échelle de oui. Par exemple, si vous avez pour demander un service, demandez d'abord quelque chose d'anodin. Genre, par exemple, vous allez dans la rue, vous faites « Excusez-moi, vous avez l'heure ?» Personne ne vous donne l'heure. Vous n'auriez pas aussi quelques centimes, s'il vous plaît ? Et vous auriez beaucoup plus de chances. C'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Et d'ailleurs, il y a un truc comme ça, c'est que tu peux aussi demander un service complètement aberrant. Et après, et le réduire, ça passe mieux. Et après, demander ton vrai service. On aussi, d'ailleurs, pour les gens qui aiment tout ce qui est sociologie et hacking social, je vous conseille d'aller regarder la chaîne Horizon Gull. Donc Horizon, H-O-R-I-Z-O-N, plus loin Gull, G-U-2-L, qui parle de hacking social. C'est hyper intéressant. Voilà. Et donc, au final, le libre arbitre ne disparaît pas parce que la personne, en venant sur scène, a plus ou moins accepté déjà qu'elle allait faire des choses dans ce genre-là. Et d'autre part, elle ne se sent pas en danger. Je veux dire, faire la poule, bon, c'est peut-être un peu ridicule, mais c'est pas un danger pour l'intégrité physique. Donc, c'est pour ça que voilà. Mais elle... J'ai répondu à ça. Ouais, mais c'est surtout pourquoi elle ne s'en souvient pas du coup ? Alors, le souvenir, ça dépend beaucoup des personnes. Il y a des personnes qui ne s'en souviennent pas après l'hypnose, il y a des personnes qui s'en souviennent après l'hypnose. Globalement, les souvenirs reviennent. Ça peut prendre une petite semaine pour certains. Il n'y a pas de raison particulière. Certains s'en souviennent, certains ne s'en souviennent pas. C'est pour ça qu'on peut. On a tendance à dire vous vous souvenez de ce que vous avez fait. Ok, il se passe un truc en off. Voilà. Désolé. Donc c'est que il y a 2-3 personnes qui n'ont pas suivi ce que tu as dit, Rémi. Parce que c'est un peu des cons. Non, j'ai écouté. Arrête. Et moi je fais des jugements complètement nuls. Mais qu'est-ce qu'il est relou ce type. Non, ça m'intéresse vraiment comme sujet parce que ça touche au conscient, au subconscient. C'est et moi visionnaire. Je suis très dans les rêves. J'adore me souvenir de mes rêves et je cherche pas à les interpréter parce que là ça fout. Tu fais des rêves lucides ? Lucides. Quand on veut dire que tu maîtrises ton rêve. Lucide amour et rock'n'roll. Les rêves lucides. Oui ! Oh Lucide, embrasse-moi. C'est assez d'être. Salut. Merci. C'est Kevin. Moi j'en ai fait une fois des rêves lucides. C'est génial. C'est super. Alors, le rêve lucide, vite fait, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, qui ne voient pas, moi, c'est quand kiffé. On se réveille au milieu d'un rêve. Et qu'on, enfin, on prend conscience qu'on est dans un rêve. On prend conscience qu'on est dans un rêve. Et à ce moment-là, on contrôle le rêve. Ouais, et c'est génial. C'est trop ouf. Bien. Et moi, bah, j'en ai fait qu'une fois, un rêve lucide. Par contre, il y a un truc que je fais pratiquement au moins une fois par mois, c'est la paralysie du sommeil. Alors, c'est la même chose que le rêve lucide, mais en pire, c'est hyper méchant et tout, c'est horrible. Donc les gens qui font de la paralysie du sommeil, je compatis avec vous. Et ceux qui savent pas ce que c'est, renseignez-vous parce que c'est un truc que personne s'y connaît vraiment et c'est pas trop connu dans le monde. Du coup, voilà, attention. Envoyez-vous fatigué, donc. C'est bon, 36-37, c'est le Téléthon, c'est Nagui en plus. Allez voter demain. Et tuer les gens, c'est mal. Et du coup, si vous voulez faire des rêves lucides, prenez un petit calepin et notez vos rêves au réveil. Ouais, c'est ce que je faisais justement. Et ça augmente la proportion de rêves lucides. C'est trop bien. Bon, voilà. Et du coup, c'est un univers qui m'intéresse énormément. Et c'est pour ça que je suis contente d'être là. Ouais, moi aussi, je suis contente d'être là. Du coup, on était sur l'oubli. Il est vrai. J'avais oublié. Oh, damn. J'attendais la suite de l'explication. En fait, c'est pas vraiment un oubli, c'est juste que comme la personne est ailleurs, dans un autre état de conscience, elle va pas forcément enregistrer comme mémoire immédiate ou noter ça comme information importante. Donc elle va vivre, elle va emmagasiner ça, mais ça sera pas forcément directement disponible dans sa mémoire. Mais après, ça revient. Et souvent, ce que font les hypnotiseurs, souvent, c'est... de dire vous vous souvenez de ce qui s'est passé. Et les gens se souviennent de ce qui s'est passé. Et c'est beau. C'est oufissime. C'est beau comme des petits chiens qui s'élancent dans la vie. Bon, allez. Qui J'ai compris des petits chiens qui vont dans une route, enfin qui s'élancent. Bah, lance ton show, vas-y. Tire une route. Ah ouais, vas-y. Êtes-vous prêt? Dis ce que tu veux. Pour le Rémi Magic Show. Oh oui. To what? Oui, générique. Aujourd'hui, sur la nuit anonyme. Alors, il est 10h. le Rémi Show. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rémi Show. Ouais, super. Alors, le Rémi Show, qu'est-ce que c'est? Ça va être une séance d'hypnose, en fait, que vous allez pouvoir aussi suivre dans votre radio, vu que vous pouvez être hypnotisé uniquement grâce à ma voix. Et ça, c'est cool. Ouais. Yeah. Alors, j'ai peur. Avant de commencer un peu, j'ai deux, trois trucs à vous dire sur l'hypnose. Premièrement, l'hypnose n'est pas dangereux. Vous gardez votre libre arbitre. Quand vous faites un rêve, que vous tombez du haut de la falaise, vous ne mourrez pas. Si, des fois, je tombe du lit. Il est chiant, ce gars. N'hésitez pas à dire à Mathias de fermer sa gueule. Hein. Voilà. Il faut que ce soit le top tweet FR, Mathias. Mathias on lance le hashtag ta gueule, Mathias. Voilà. Au bout de trois hashtags ta gueule, Mathias, il ne parle plus, il a plus de micro. Voilà. Oh oui. Oh oui. Et donc, on ne meurt jamais dans un rêve, on se réveille toujours avant. Parce qu'il y a un mécanisme de protection dans l'instinct, dans la tête. Et en hypnose, c'est pareil, on ne peut pas mourir en hypnose, mais surtout on ne peut pas... Mais si on est suicidaire ? Oui, mais non. D'accord. Non, mais non parce que tu gardes l'instinct quand même, en fait. D'accord. Voilà, donc l'hypnose n'est pas dangereux. L'hypnose, c'est bio. Donc bio, c'est bon. Donc c'est bon, la COP21, tout ça. L'hypnose ne contribue pas au réchauffement climatique. Oh, ouais. L'hypnose et Charlie. Ça ne pollue pas. Oui, l'hypnose et Charlie. Et on pourrait réduire le terrorisme grâce à l'hypnose. Oui, et l'hypnose Pray for Paris aussi. Oh, c'est beau. un terrain miné. Ouais. Oh, donc on s'arrête là. Ouais. Donc, ok, l'hypnose, c'est pas dangereux, c'est bio, c'est bon. Voilà. Ça a le goût de fromage. C'est nat. Donc, c'est bio, c'est parce que. Des putes. Waouh. Wow. Donc, l'hypnose. C'est pas mon pute, quoi. Genre. Ouais, les amalgames ici. C'est pas moi qui l'ai dit, je tiens à le dire. Pour une fois, c'est pas moi le gros beauf. Ouais, j'ai cru reconnaître sa voix. Il est pas loin derrière. Oh non. Donc, on attend tous le hashtag. Vous voyez. Envoyez les hashtags, pitié. Tout le monde attend le hashtag ta gueule, Mathias. Ouais, faut qu'on l'écrit, c'est pas possible. Judith, si tu m'entends. Et donc, oui, l'hypnose, c'est bio parce que l'hypnose, c'est naturel. C'est un état qu'on a tous connu et qu'on connaîtra tous. Quand vous êtes en voiture et que vous arrivez chez vous en vous disant ah merde, j'y suis déjà, ou dans le métro, ou que vous êtes en train de faire une activité et que, de par l'état de concentration que vous avez sur cette activité, vous ne percevez plus le reste. Ça, c'est de l'hypnose. Donc, voilà, et tout le monde est hypnotisable. Certains peuvent être plus réceptifs que d'autres. On estime qu'il y a 3% de la population qui est super réceptive. Donc eux, ils sont cool. C'est pas beaucoup. C'est 3 personnes sur 10. Du coup. Non, 3% c'est 3 personnes sur 100. Attends, wait. 30%. Oui, voilà. Donc non, c'est 3%, donc c'est 3 personnes sur 100. Donc non, ce n'est pas beaucoup. Mais. Apprends les maths avec Rémi Magique. non, moi je fais de la flag magique. Bref. Bah. Non. Les. Bras. On le perturbe trop là. C'est horrible, vous êtes horrible, je vous déteste. Et donc. Non, donc c'est des personnes qui sont hyper réceptives à l'hypnose, mais après les autres sont aussi réceptifs à l'hypnose. Ce n'est pas perdu. Hein. Et si jamais vous n'êtes pas réceptif à un instant T, ça peut être à cause du contexte, ça peut être à cause des méthodes utilisées. Bref, on peut toujours hypnotiser quelqu'un. On en est à un stade où Milton Erickson, donc le papa de l'hypnose, il hypnotisait tout le monde et il arrivait à hypnotiser des gens en leur serrant la main. C'est-à-dire les gens avaient peur de lui serrer la main parce qu'il arrivait en... Juste, il serrait la main de quelqu'un et lui paralysait le bras. Et après, il introduisait une transe hypnotique. Mais il était de quel level en hypnose ? C'est le mec qui a créé l'hypnose moderne. En fait. Ouais, du coup, il était level 100. Quoi. Over 9000. Oh, ok. Mais c'est un peu bien que l'hypnose, en fait, ça soit un RPG. Ouais. Et si on vivait dans un monde RPG, ça serait très drôle. Ah non, on va pas venir sur le débat, mais ça, c'est ma question. Faudrait booster le charisme et l'intel. Hashtag ta gueule. Non, Mathias. Super vieux. Merci. Je crois que tu parlais à Rémi. Non, mais je crois que les gens qui regardent, ça les dérange pas que Mathias. Non, mais c'est voilà. Encore des gens qui sont avec Mathias. Il doit y avoir sa mère. C'est Mathias. Bonjour, Mathias. Vas-y, à tous les coups, c'est que les Bordelais. Bonjour, Bordeaux. On a compris que c'était vous. Donc voilà, du coup, on va pouvoir commencer à faire de l'hypnose. Tout le monde avait le cul qui serrait là, qu'est-ce qui tremblait entre eux, qui attendait ce moment avec impatience, puis là, ça arrive. Ça y est. C'est l'hypnose. Alors, on va commencer par quelque chose de très simple. Mettez-vous à peu près droit. Voilà. Je suis un peu serré. Oui, vous pouvez être assis. Au fond de cette boîte. Débrouillez-vous à avoir les deux jambes sur le sol. La connexion. ça va. Même si vous êtes en tailleur, ça va. Pierre, tu n'écoutes pas. Non, Pierre, c'est l'ingé son, donc on va peut-être éviter de l'hypnotiser. L'empereur, voilà. Est-ce que tu peux maîtriser les gens que tu hypnotises ? Genre, est-ce que tu peux hypnotiser tout le monde sauf Pierre ? Dans la. Bah, t'as juste à lui dire de oui. Pas le faire. Non, mais ouais. Bref. Pierre, oui, si Pierre écoute ma voix, mais pas vraiment. C'est que les gars. Que, oui, enfin, oui, c'est, ça doit être pouvoir être fait. Du coup, on peut faire des jeux marrants. Genre, les gars s'endorment. Attends, les filles. Non, bref, allez. Respirez profondément. Avec. Mettez vos mains sur vos cuisses ou vos genoux. Je suis un peu serré. On va faire quelque chose de très simple. Merci, Guillaume. Vous allez vous concentrer sur ma voix. Vous allez vous concentrer sur ma voix et vous allez également fermer les yeux un instant. Chut. Voilà, vous fermez les yeux, vous respirez profondément. Vous prenez une grande respiration, voilà. Parfaitement détendu, juste concentré sur ma voix et concentré sur votre respiration. Sans se marrer si possible. Ça va être dur avec elle, putain, elle me casse déjà les yeux. Bref. Voilà. Vous pouvez ouvrir les yeux. Foncièrement, ce que vous avez fait là, c'est de l'hypnose. C'est un stade très très très léger d'hypnose. Mais c'est de l'hypnose. Donc on va aller un peu plus loin. Level 05. Ah, j'étais là, je viens. Bah en fait, c'est naze. Non. Ça va être 750. À la semaine prochaine. Non, en fait, il nous a vendu du rêve pendant une heure et demie là. Vous et allez juste vous détendre en fait. Tout le monde, fermez les yeux et levez la main droite, s'il vous plaît. Alors, je veux pas vous surprendre, mais ce que vous avez fait, c'est du Krav Maga. Wow. Un stade très très léger, mais c'est du Krav Maga. Bref, maintenant on va commencer les choses sérieuses. Alors, ouvrez les yeux tout le monde et mettez vos mains devant vous. Serrez l'une à l'autre, donc les doigts entremêlés. Voilà. Débrouillez-vous à ne pas avoir les mains en appui sur vos cuisses ou sur vos bras. Donc Elliot, tu te redresses, s'il te plaît. Tu peux le faire. Non, pas sur la table non plus. Il n'a pas compris. Très bien. Et vous allez vous concentrer sur ma voix. Toujours concentré sur ma voix, parfaitement détendu. Et vous serrez vos mains. Serrez vos mains fort, fort, fort l'une vers l'autre. Serrez les mains. Allez-y, serrez les mains. Guillaume, serre les mains. Non mais volontairement, vous serrez volontairement les mains. Il tremble. Vous serrez vos mains et ce qui va être amusant, c'est que quand j'aurai fini de compter jusqu'à 3, les mains seront impossibles à décoller. Ce sera naturel pour vous, les mains seront impossibles à décoller. Comme si les mains avaient fusionné en une seule et même main. Comme si l'une ne pouvait plus se séparer de l'autre. Ce n'est plus qu'un seul et même amas de chair. Puisque plus vous poussez, plus vous accrochez vos mains l'une à l'autre, plus elles vont avoir tendance à fusionner. Puisque avec le 1, les mains s'accrochent, se soudent. C'est comme si on émettait du scratch, comme si on les soudait, les collait, les vissait. Toutes ces idées que vous pouvez avoir pour que ces mains se collent, elles viennent de votre tête. Vous allez pouvoir les appliquer. Vous pouvez fermer les yeux si ça vous aide. Vous concentrez uniquement sur ma voix et uniquement sur ces deux mains qui ne sont plus qu'une. Avec le 2, ça va s'intensifier 2 fois plus fort, 3 fois plus fort, 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus fort. Vos mains sont impossibles à décoller. Plus vous allez essayer de décoller vos mains, moins vous allez y arriver. Plus vous avez envie de décoller vos mains, moins vous arrivez à décoller vos mains. Puisqu'avec le 3, ça y est, les mains sont parfaitement collées. Impossible à décoller l'une de l'autre. Votre réalité est telle que, en ce moment, vos mains ne sont plus qu'un seul et même amas de chair. Vos mains sont impossibles à décoller. Vous pouvez essayer de décoller les mains, mais plus vous essayez, moins vous y arrivez. Plus vous essayez de décoller les mains, moins vous y arrivez. Ça veut dire qu'on doit tenter ? Oui, vous tentez de décoller les mains. Plus vous essayez, moins vous y arrivez. Et arrêtez d'essayer. Alors, les gens qui ont gardé les mains collées, les mains se décollent maintenant. Hop, les mains se décollent, les mains se décollent. Si vous avez les mains collées chez vous, concentrez-vous simplement sur vos doigts. Vous vous concentrez sur deux doigts, donc deux mains différentes, et vous vous rendez compte que ce sont bien deux mains, qu'elles sont séparables et qu'elles vont pouvoir se décoller maintenant. Alors, ce qu'on vient de faire là, c'est un test de. J'imagine vraiment le mec qui est encore collé qui dit putain. Si, si tu sais. Qui essaye à deux doigts comme ça sur le chat. Une fois, c'est arrivé à ma tante, elle regardait une mission de Mesmer et tout ça, elle s'est dit vas-y, je fais le test. Elle a pas réussi à se décoller, elle avait loupé la sortie. C'est comme sur l'autoroute, elle s'est dit eh merde. Non, mais en fait, c'est tellement. Enfin. Moi, j'ai pas réussi parce que tu disais les mains sont collées, elles ne forment plus qu'une. Et du coup, j'imaginais vraiment genre un bloc comme ça. Et je trouvais ça un peu ridicule. Mais du coup, la situation. Arrête de penser. Arrête de penser. Mais non, mais du coup, c'est peut-être pour ça que ça marche pas. Parce que c'est un peu... Alors, faut savoir que ce qu'on a fait là, c'est un test de réceptivité. Et comment tu fais pour écrire Sorcellerie et objet. Il a eu les mains collées. Ouais. Donc, tout ça pour dire que ça, c'est un test de réceptibilité pour voir, donc, en effet, qui sont les personnes les plus réceptives. Les 3% dont je parlais tout à l'heure. Donc là, j'en ai deux. Il y avait aussi... Jacques aussi, t'as eu les mains collées ? Et moi, je pense que c'est possible. Je pense que j'ai été un peu perturbé par Eve à un moment. Eve, t'as rigolé en fait. T'es un peu rigolé. Ouais, oh, il ne faut pas avoir peur, t'en fais pas. C'est bio, c'est pas nocif. Respire profondément, tout va bien. Dans le chat, il dit qu'il a eu peur. Donc, avec 30 secondes, je le rassure. La rassure. Bon, bah, je te rassure, excuse-moi. C'est Clara. Je rassure Clara. Voilà, oui. N'aie pas peur, Clara. Vas-y, Eve. Eve. J'ai l'impression que si toute la partie où tu parles, 1, 2, 3 et tout, si ça avait duré plus longtemps, et bah, ça aurait peut-être marché. Aussi. Mais donc maintenant, ça a de l'influence. Là, on a fait une démo. Pardon. Donc on va pouvoir faire. C'est cher la version. Il y a des DLC. Envoyez votre pognon là. J'aime bien le début, mais après c'est devenu trop commercial. Je suis désolé, ça fait une semaine que je répète cette blague, mais à tous les trucs, là fallait que je la fasse. Voilà. Du coup, je vais travailler avec 3 personnes. Donc, je vais prendre Guillaume parce qu'il est réceptif. Je vais prendre Eve parce qu'elle me doit un kebab si je l'endors avec pénis. Et je vais prendre Kawan. Donc, j'étais réceptif aussi. Il y a du favoritisme dans ce groupe. Si, j'aurais tellement voulu. Non, mais écoutez, ce qu'on va faire, ok, vous allez tous essayer en même temps et je vais peut-être me balader un peu. Voilà, me balader à la radio, c'est génial. Tu vas te balader comment ? Tu vas pas te balader. Ça va pas le faire. La volonté dans la vie. Eh bien, je vais me balader grâce à cette table. Voilà. Donc, si on peut juste enlever 2-3 trucs qu'il y a sur la table. On va se mettre debout sur la table. C'est obligé que tu sois au milieu de nous. C'est juste que, en fait, je vais avoir besoin d'être en contact avec vous. On va vivre un grand moment de radio. Un grand moment de radio, voilà, ça va être. Donc, venez nous voir sur le stream plutôt. Hein. Ça sera plus mieux bien. Plus mieux bien. Plus mieux, better. It's 20% cooler. Ouais. C'était un peu ouf quand même la sensation. Moi, j'avais l'impression de vraiment être collé, mais j'ai réussi à me décoller et je sentais que mes mains passaient. Moi, j'ai imaginé de la colle et tout. Après, dites-vous que vous avez une nuit de non-sommeil dans les pattes, donc ça nuit un peu à la concentration. On devrait faire ça en début de truc. Aussi, allons-y. Si on pouvait enlever les. On a un problème de concentration ? Non, les gens l'ont pas remarqué. Par contre, le jus de fruits, il est plutôt concentré. Oh putain. Comme les tomates. Ta gueule. Le hashtag, ta gueule, Mathias. On a perdu Jacques. Ah putain, ça fait peur. Ah le lit qui fait des jumpscares pour le réveiller. Avoue, t'as hypnotisé le lit. Ah mais clairement, je veux voir sur le stream. Attends. Moi aussi. Hop. Je crois que c'est trop tard. Et d'un coup, il disparaît. Attends. Ça, on va pouvoir tous se revoir encore remater le stream. Ah. Alors c'est discret, c'est dans le fond. Je suis caché. Elle est cassée ou Non, c'est deux lattes qui sont déboîtées, t'inquiète. Faut d'abord que tu remettes du côté là-bas. Et après tu peux remettre du côté. T'es assez. Bon. Alors. Concentrez-vous sur. Le mec il sort une latte, mais de. Au calme. Est-ce que c'est l'histoire de la trompette et Non, est-ce que c'est l'histoire du chameau ? Je ne montrerai pas comment j'ai appris à jouer de la trompette grâce à un jeune Mahout. Par contre, Pierre, tu peux couper leur deux micros, comme ça on ne va pas trop les entendre. Mais alors, je vais raconter l'histoire quand j'ai rencontré... une loutre espagnole qui m'a expliqué pourquoi il ne fallait pas être raciste envers les Polonais. Je suis pas raciste. Et c'est très simple, en fait. J'étais en voyage à Barcelone. Il faisait beau, il y avait un petit temps poivre et sel, quoi. Mi-vanille, mi-chocolat, il y avait des petits nuages et tout. Et là, dans les rues de Barcelone, rue García de Lorca. T'es sûr que c'est raciste. C'est pas celle à côté. C'est à côté du casino. Du géant casino. C'est galère pour se garer par la main. Il n'y allait pas, surtout le vendredi, entre 14 et 18 heures. Par contre, il y a une petite ruelle genre derrière. C'est bon, allez, c'est parti. Voilà. Donc, à un moment, je vais dire le mot d'or. Quand je dis ce mot d'or, c'est un signal pour vous. Volontairement, vous allez fermer les yeux, laisser votre tête partir en avant si vous le souhaitez, détendre tous vos muscles sans vous prendre le micro qu'il y a devant vous, si possible. Sinon, ça va faire pop et ça ne sera pas très radiophonique. Voilà, donc c'est un signal pour vous. Quand je dis ce mot d'or, c'est juste un signal de vous laisser aller, de vous détendre, de respirer profondément et de vous concentrer encore plus sur ma voix. Très bien. Alors, je vais tous vous demander d'ouvrir les yeux et de mettre votre main à peu près au-dessus de la tête, comme ça. Hop. Ouvrir les yeux et de regarder la main. Je vais peut-être me balader entre vous, ça sera normal. Plus haut la main, Eve. Voilà. Et vous choisissez un point sur cette main. Vous vous concentrez uniquement sur ce point, sur sa forme, sur sa texture, sur son aspect. Uniquement sur ce point, jusqu'à ce que tout autour devienne flou. Il n'y a plus que ce point. Et plus vous vous concentrez sur ce point, plus la main va pouvoir se rapprocher du front. C'est naturel, c'est comme automatique pour vous. Plus vous regardez ce point, plus vous vous concentrez sur sa texture, sur sa forme, plus ça se rapproche. Et quand la main touche le front, quand la main se rapproche, et quand vous entendez le mot « d'or », c'est un signal pour vous. Vous laissez tout aller, vous détendez tout, vous partez juste en hypnose. Concentré sur ma voix. Je décompte de 10 à 1. Et plus je décompte, plus cet état agréable dans lequel vous êtes va s'intensifier. 10. 9. Vous pouvez laisser la main descendre si vous le souhaitez. Plus je décompte, plus tu te sens merveilleusement bien. 8. Plus c'est facile pour toi de te laisser aller. 7. Uniquement concentré sur ma voix. 6. 5. Tu sens que ça s'intensifie. Tu te sens merveilleusement bien. Comme si tu descendais à l'intérieur de toi-même. 4, 3, 2, 1. Et ça y est, tu te sens merveilleusement bien. Et on va faire quelque chose d'assez simple. On va juste prendre la main et la bloquer. Là, hop, on bloque la main. On prend la main. Hop, on bloque la main. On bloque la main là. On bloque la main. Très bien. Et vous allez juste. Tu vas juste imaginer qu'à ce poignet sont attachés des milliers et des milliers de ballons d'hélium, de plein de formes, de plein de couleurs différentes. Et qu'est-ce que ça fait, les ballons d'hélium ? Ça monte, c'est léger. Donc cette main est légère, très légère. Tu peux juste laisser cette main à monter. Et dès que la main est au-dessus de la tête, elle arrête de monter. Il y a assez de ballons d'hélium. Pour les autres, ça continue. La main est légère, légère. Il y a tous ces ballons d'hélium de plein de formes, de plein de couleurs différentes. Très bien. Maintenant, on enlève les ballons. Hop là, et la main retombe. La main est lourde, lourde, très lourde. Tellement lourde que quand elle touche la cuisse, elle est comme impossible à soulever. Il y a des centaines de tonnes de béton, de plomb. Elle est lourde, cette main. Vous pouvez essayer de lever votre main, mais c'est lourd, c'est compliqué. Et plus vous essayez de lever la main, plus il y a cette lourdeur qui va alourdir cette main. Arrêtez d'essayer de lever la main, juste respirez. Très bien. Tout à l'heure, quand je dis le mot d'or, vous retrouvez cet état dans lequel vous êtes, dans même un état encore plus profond. Ouvrez les yeux. Ça va tout le monde ? Grave. Ah. Alors c'est pas très... Fils de pute. FTP. C'est très chelou. Est-ce que vous pouvez rapidement décrire ce que vous avez fait ? Moi je l'ai déjà fait plein de fois, me faire hypnotiser pour de la thérapie, mais c'était la première fois que j'arrive à être aussi défoncé en fait. Ouais, là pour le coup c'était vraiment... J'ai toujours été sceptique à ça, enfin, je me dis mais attends, mais il y a franchement un trucage et tout. Du coup je me dis, ça se peut, le scepticisme que j'avais dès le début va faire que je ne serai pas du tout réceptive. Alors, ouais. Quand t'as dit que la main devait rester bloquée, j'ai l'impression que ma main est tombée, mais j'avais envie de la laisser parce qu'elle était cool là. Et quand t'as dit qu'elle devait se monter, que j'ai senti ma main se lever, mais j'étais juste mort de rire dans ma tête, je me suis dit oh le bâtard. Donc c'était énorme. Après là j'ai pas forcément la meilleure installation. Steph elle fait semblant ou elle est à donf? Tu fais semblant ou t'es à donf? Non, mais je trouve c'est que en même temps j'ai mon conscient qui me fait c'est très mais il est en train de m'entuber le mec, il est en train de m'entuber. En fait je souris parce que je me rends compte de ce qui se passe, j'ai encore ma petite voix dans ma tête qui me dit attends mais il est en train de me connaître, mais ça se fait tout seul, je te jure. Et ce qui est encore mieux c'est que hop, parfaitement concentré, regardez la main, juste regardez la main, détendez-vous, installez-vous confortablement, juste regardez la main, installez confortablement, installe-toi bien Kawen. Et quand je dis le mot d'or, vous retrouvez l'état dans lequel vous étiez tout à l'heure. Un état même 2 fois, 15 fois, 6 fois, 1000 fois plus puissant. Et d'or, parfaitement détendu, parfaitement détendu. D'or, laisse-toi aller, juste ferme les yeux, détends-toi. Et retrouve cet état dans lequel tu étais tout à l'heure. Juste respire profondément. C'est un état où tu te sens merveilleusement bien. Un état dans lequel tu peux imaginer facilement, tu peux répondre facilement à mes suggestions. C'est naturel pour toi en fait. C'est comme si toutes mes suggestions entraient naturellement dans ta réalité. Ça devient des constantes pour toi pour le temps de cette hypnose. Ça devient naturel. Très bien. Comme tout à l'heure, la main va être légère, sauf que ça va être beaucoup plus rapide. Hop, la main va juste se lever à la hauteur du front. Hop, ça se lève. Levez votre main à la hauteur du front. Hop là, ça se lève. Et on va juste imaginer que sur cette main, il y a un aimant, un énorme aimant. Et on va aussi mettre un autre aimant sur le front. Et les aimants entre eux, qu'est-ce que ça fait ? Ça s'attire. La main va être parfaitement collée au front. La main va juste aller au front, naturellement. On intensifie les aimants. 2, 4, 6, 8, 10. Ça devient de plus en plus fort, de plus en plus puissant. Et quand cette main touche le front, quand ces aimants entrent en contact l'un avec l'autre, ils vont pouvoir juste s'accrocher l'un à l'autre, s'ancrer. Et on va rajouter des aimants. Plus tu respires, plus il y a d'aimants. Plus ça s'intensifie naturellement. Ce qui fait qu'à 3, la main fait partie du front. La main est impossible à décoller du front. Il y a ces aimants entre eux. Il y a cette force inconnue, nouvelle, qui va juste coller cette main. Avec le 1, le 2, le 3. Cette main est impossible à décoller du front. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais cette main n'a juste pas envie de partir du front. C'est comme s'il y avait une force invisible qui retenait ta main. Comme si quelqu'un était à côté de toi et appuyait sur ta main pour la garder. Ce qui fait que si tu essayes de décoller ta main, Plus tu essayes, moins tu y arrives. Arrête d'essayer. La main peut se décoller maintenant. Hop là. Ouvrez les yeux. Ça va ? Ouais. Mais après, j'ai pas vraiment l'installation pour vous faire de l'hypnose. Est-ce que vous vous sentez bien ? Ouais. Vous sentez bien ? Là, j'ai envie que tu me fasses ça toute la journée. Là, je suis chopé, je peux faire n'importe quoi. Alors, moi, je vais faire le rabat-joie du groupe. Mais sur ces hashtag ta gueule, Mathias, s'il vous plaît. Non, sur ces deux derniers trucs, autant le premier, c'était. Ok. Et là, sur les deux derniers, bon, le dernier, j'ai un putain de mal de crâne parce que je chantais un truc qui faisait comme ça dans ma tête. Mais ma main, non. Elle s'en fout. Elle est trop lourde. Mais ton mal de crâne a disparu. Tu t'en es rendu compte de ça ? Non, il n'a pas disparu. Non, si, il disparaît. Il a disparu. Arrête de contrer ce qu'il dit. Non. C'est Jésus, arrête. Non, mais après, voilà. Focalise-toi sur ma voix. Attention, ton mal de crâne va disparaître. Attention, tu m'écoutes bien. Je vais compter jusqu'à 3. À 3, ton mal de crâne va disparaître. 1. Ton mal de crâne est de moins en moins perceptible. 2. Tu te sens détendu, tu es calme, tu te focalises sur ma voix. 3. Ton mal de crâne a disparu. Bon. après, j'ai un... Tu le fais très bien. J'ai un challenge pour un kebab à faire. Donc, je vais résoudre ce challenge. Je suis vraiment désolée, hein, mais moi, ça me fait trop peur. C'est pas grave. Non, mais je peux comprendre parfaitement. Et en fait, c'est ta voix. Quand je ferme les yeux, j'ai l'impression que tu vas... On est dans une pièce dans le noir, tu vas arriver avec un couteau et m'égorger. C'est impossible, j'y arrive pas. Tu vas perdre la confiance de ta vie. Ça me met un peu mal à l'aise. Je vois. Mais c'est très intéressant à regarder, par contre, comment tu fais. Ok, merci. C'est bizarre, en fait. Ça va, Jacques? Toi, je sais que t'es réceptif. Le truc, c'est qu'en fait, dans ma tête, je me dis, mais je pourrais ne pas suivre ce que tu dis. Ouais. Genre, je me dis, mais je suis con, là, je fais genre, je me force et tout. Et puis, il y a quelque chose qui m'en empêche. Elle était collée, ta main, sur le front, toi? Ouais. J'ai pas... Bah. Mais en même temps, je me disais, mais c'est con, il suffit juste de dire ça se décolle. Du coup, c'est bizarre, en fait, j'étais un peu perdu avec moi-même. Tu te retrouves devant un paradoxe. Ouais. Bah, c'est un peu comme, comme quand t'es bourré, tu te dis, ouais, c'est bon, je suis pas bourré, mais en fait, si, tu l'es. Ouais, c'est ça. C'est un peu le même principe, ouais. Mais je serais heureux de pouvoir refaire de l'hypnose avec vous dans une installation qui me le permet un peu plus, parce que le debout sur la table, c'est tellement la merde. par contre, je vais juste me défendre pour mon kebab, et pour ce faire, je vais demander à Stéphanie. Non, ça marchera pas, je te jure. Non, mais tout simplement, juste te laisser aller, parce que t'es la plus réceptive du groupe. Ah ouais. Oui. Pourtant, sur le dernier truc, je me sentais moins... Si. Tu es plus ou moins la plus réceptive. Ok. Voilà. Même s'il y en a d'autres qui sont réceptifs aussi. Hein. Là, c'est réceptif. Jacques est réceptif. Voilà. il me fallait une victime. Un assistant. Une victime. Non, c'est pas vrai. Une victime. J'ai peur maintenant. Mais non. Un sacrifice à poil. Oui, on a la table. Apportez le couteau. Tu es une chèvre. Oula. C'est un thug. Il n'a même pas de casque de sécurité. Je fais un tailleur sur une chèvre. C'est bon, j'en ai un, c'est bon, merci. En direct quand même. On va faire quelque chose de très simple. Pareil, quand je te dis le mot d'or, tu retrouves l'état d'hypnose dans lequel tu étais tout à l'heure. Mais tu vas y arriver, il n'y a aucun souci. Il sera même encore plus puissant. Sans que tu saches vraiment pourquoi, sans que tu cherches à comprendre. Je peux mettre dedans aussi. Ouais, vas-y, si tu veux venir, viens. Sans que tu saches vraiment pourquoi ni comment, tu verras, il sera encore plus puissant. Et donc, tu vas me donner ta main ? Donne-moi ta main. Voilà. Détends-toi, t'es tendu. Et tu vas suivre les doigts avec les yeux et la tête. Ok ? Suis les doigts. Dors, parfaitement détendu. Très bien, tu te sens merveilleusement bien. Dors. J'arrive pas à cliquer. Hop, ouvre les yeux. Hop, tu me donnes tes mains ? Ça va ? Et pareil, dors, encore plus puissant, dors. Hop là, très bien. Tu respires profondément, tu te sens merveilleusement bien. Et cet état dans lequel tu es reviendra naturellement à chaque fois que je prononcerai le mot pénis. Ça peut te faire marrer peut-être, mais plus tu te marres, plus ça va s'ancrer en toi. À chaque fois que je dis le mot pénis, c'est un signal pour toi. C'est comme un ascenseur qui t'amène directement dans cet état-là. C'est-à-dire que si tu as les yeux ouverts et que je dis ce mot, pénis, tu vas juste partir naturellement. Est-ce que tu as compris ? Très bien. Je vais compter jusqu'à 3. À 3, tu pourras ouvrir les yeux et ce sera ancré en toi. 1. 2. Il y a ce mot qui déclenche immédiatement la transe hypnotique telle que tu es. Comme un raccourci, en fait, comme un ascenseur. 3. Ouvre les yeux. Ça va ? Ouais. Tu peux te redresser ? Ok ? Ouais. Tu peux leur dire un peu comment tu te sens ? Je me sens un peu genre lourde, comme s'il y avait un poids au niveau de ma gorge, et j'ai l'impression d'avoir les mains toutes tremblantes en fait. Et je sais pas si c'est le stress de la situation ou quoi qui fait que... T'as pas vraiment à te sentir stressée, tu sens juste bien. Je dois remettre mon casque ou pas ? Tu peux remettre ton pénis. Vous me devez un kebab, les gars. Je compte jusqu'à 3. 3, tu te réveilles, tu te sens merveilleusement bien, en pleine forme, t'es plus stressé, t'as plus les mains qui tremblent. 1, 2, 3, réveille-toi. Allez, allez, debout, debout. Et là, tu peux mettre ton casque. Et boum, le kebab. Merci. Même pas le temps de mettre mon casque. Est-ce que si tu lui dis... Ouais. Non, enfin si, peut-être. Genre si alors, tu lui dis pénis demain en cours, enfin après... on verra. Prochaine fois, je la croise dans les couloirs. Demain, c'est dimanche. Je pense que j'ai rigolé. Et on faut aller voter. Allez voter demain. Pénis. Et voilà. Alors là, on voit que ça marche un peu moins bien. Parce que elle est partie moins loin. Voix. Pénis. Voilà, donc déjà il y a une notion de voix. Ouvre les yeux, réveille-toi, debout, debout, debout, debout. J'ai envie de s'endormir. C'est horrible parce que. Cherche un argument pour s'endormir. Ça ne marchera pas, mais il n'empêche que tu sais que c'est le signal et t'as, là tu as juste envie de dire. Ouais, allez, c'est alors, comme je suis quelqu'un de très sympathique, il est 54, donc je vais te laisser dormir sous hypnose jusqu'à 56, sachant que le sommeil sous hypnose, 15 minutes de sommeil sous hypnose, c'est 3 heures de sommeil. Oh voilà. Il faut que tu fasses la kawane. Forcément, ça ne marche pas sur pénis. Moi, quoi. Hop là, tu dors profondément, tu te reposes jusqu'à 56. Je te dirai quand il est 56, tu pourras naturellement sortir de transe, parfaitement réveillé, en pleine forme. Voilà, et pendant ce temps, nous, on va continuer à parler. Petite interlude musicale. Voilà, non, on peut continuer à parler, c'est bon. Et pendant ce temps, Steph, elle dort profondément. Ça veut dire qu'elle n'entend pas ce qu'on dit. Si, elle entend ce qu'on dit. Ah ouais, elle entend ce qu'on dit, mais elle ne peut pas réagir. Si, elle peut réagir, hein. Elle peut faire un peu ce qu'elle veut, mais là, elle profite juste, elle roupille. Okay. C'est comme quand t'as quelqu'un qui dort presque à côté de toi en cours. Ouais. Voilà. Remets-nous une fois dans le truc avant la 10h. Je suis sûr que Kawen il sera content. Ok, Kawen, hop, regarde la main, parfaitement détendu. Tu regardes la main, suis la main, suis la main, suis les doigts, suis les doigts. Dors. Laisse-toi juste aller. Voilà. Et tu profites de cet état dans lequel tu es. Tu respires profondément. Ça te ressource. Tu sens comme une énergie qui coule en toi. Tout à l'heure, un peu quand tu le voudras, tu pourras ouvrir les yeux et sortir naturellement de cet état, comme ressourcé. C'est ton choix, tu profites juste, tu respires profondément. Guillaume, hop, tu regardes la main et dors, parfaitement étendu. Et pareil, tu es dans cet état agréable et tu en sors un peu quand tu veux. D'ici quelques minutes, tu pourras juste profiter, respirer et tu sens cette énergie qui est en toi, qui commence à te regagner. Mathias ? Dors, parfaitement détendu. Pareil, tu profites également de cet état. Jacques, de même. Je dis juste le mot dors et tu peux partir. Juste te sentir bien. Voilà. Elliot. Dors. Hop là. Eve. Dors, ferme les yeux, détends-toi. Parfaitement détendu. Juste concentré sur ma voix. Tu vois, juste pour toi, j'ai changé de voix. Je n'ai plus cette voix étrange. Tu peux juste te laisser aller. Juste respirer. Et Pierre est content parce qu'ils ont enfin fermé leur gueule. Voilà, c'est la fin de la nuit anonyme. Ciao. Allez, tout le monde se réveille, tout le monde ouvre les yeux. Allez, allez, debout, debout. Allez. En pleine forme, tout le monde réveillé en pleine forme pour ces... Tu m'as mordu. Pour ces... Il reste une heure pour la nuit anonyme, il semble. C'est... Vous terminez à midi ? Ouais. C'est donc du coup merci Rémi pour cette merci à vous de m'avoir fait venir pour cette, j'aimerais bien le refaire avec grand plaisir. Merci beaucoup. Je suis au pays de monter créneau. Avec Raph, on t'a déjà proposé de t'écrire un one man. Du coup je reviens parce que c'est moi qui parle, du coup fermez tout. Okay. On fait pas comme hashtag avec Rémi, ta gueule Mathias. Et du coup, je voulais juste... C'est bon, faites entrer le tueur à gage. Moi, j'avais juste peur qu'il nous fasse les poches au bout d'un moment, ça nous endormir ouais. Tous. Est-ce que tu peux demander à quelqu'un de te donner de l'argent, du coup ? Non, parce que c'est pas s'il veut pas. Mais s'il veut bien, exact. Tu vois. Si c'est quelqu'un de généré, il peut me donner... Généré. Il a besoin d'être généré. Ah, je vois vraiment qu'on t'achète un dictionnaire, en fait. Et Becherel aussi, parce que je savoir pas croire parler bien. Et du coup, j'ai un... Je crois qu'il y a le mot pénis dans le Becherel. Ah non, alors là, elle ne dort pas, mais elle a réagi. Donc ça montre qu'avec le temps, l'effet disparaît, naturellement. Okay. Tu vas être traumatisé à vie. Alors, agis, le mot pénis sera dans ta tête. Pénis, quoi. J'ai trop la honte. Il a sorti son pénis, elle l'a vu. C'est si tu disais le même. Ah, mais quel beau pénis. Est-ce que c'est possible? On ne va plus jamais voir son mec. Je vois tellement. Elle est avec son mec. D'un coup. Et le gars déçu, ben merde. S'hypnotiser soi-même. Oui, ça s'appelle de l'auto. Ça s'appelle de l'auto-hypnose et c'est. Alors foncièrement, toute hypnose est auto-hypnose. Voilà, c'est la phrase de hypnothérapie du jour. Mais c'est compliqué à faire soi-même directement parce qu'il faut dissocier son conscient de son inconscient. C'est-à-dire, moi, en auto-hypnose, j'arrive à me faire lever les mains et c'est à peu près tout. Putain, le mec, en fait, il se touche. Quand il fait de l'hypnose, lui-même, c'est vraiment. Il est content. Alors, et, il écoute, se met dans un petit état là. Je me mets bien, mais. Pas de drogue. J'ai pas la portée là quand même. Même tout si. Du coup, quand tu quand tu t'auto-hypnoses, tu t'enregistres et tu t'écoutes ou tu te parles directement non, et ça fonctionne tout de suite. Je me mets en tailleur et en fait. Je fais comme si je faisais une. Tu te mets en tailleur de ville. Non, c'était nul, merci. C'était très mauvais. Merde. Mathias sort de ses. Il semblerait que l'hypnose fasse perdre l'humour, c'est embêtant. Aussi, du coup. C'est moche. Justement. Voilà, ça m'a donné légèrement envie de vomir, mais. Parce que t'es fatigué. Ouais. C'était où? Ton micro aussi est fatigué. Donc. Hypnotiseur à peu côté. Bonjour, je suis hypnotiseur Grivois. Maintenant, tu vas me pratiquer une fellation. Bah ouais, mais du coup, tu peux voir si les gens ont envie ou pas. C'est ça qui est effrayant, c'est que du coup, les gens, ils peuvent te faire avouer des trucs. Et ça, mais c'est horrible. Hein. Après, si t'as pas envie de dire quelque chose, tu peux ne pas le dire. Genre, bah oui, qu'il dit. Je suis sûr que c'est possible de ne pas dire quelque chose ou d'inventer quelque chose. Je sais pas. Si tu veux vraiment cacher quelque chose, tu peux le cacher. Moi, j'ai une amie. Alors c'est l'amie sur laquelle je me suis énormément entraîné à faire de l'hypnose. Donc On sent les mots. Apprendre les limites. Jusqu'où peux-tu aller et bah tu vas retirer ton chemisier premièrement. Vous êtes dégueulasse. Ah non, pas de chemisier. C'est juste la fatigue. Arrête de te mettre sur la fatigue, on est dégueulasse. Ouais. Rémi, c'est normal que ta main soit là. Oui, c'est pour l'hypnose. Tu es détendu là. Je fais des blagues les plus salaces, c'est dégueulasse. Bon, en même temps, il m'endormit. Suis mes doigts. C'est sale. Et là, l'heure de cul, elle est passée déjà. Madame P, si tu nous écoutes, c'était rigolo. C'est pour toi. Ouais. Et donc, après, il faut savoir que plus on est hypnotisé, plus on est hypnotisable. Tu sais, il y a une sorte d'habitude. Donc, rassurant, Stéphanie. il suffit que je la regarde avec un certain regard, que je parle avec un regard pénis. Elle va le croiser dans la cour. Pour que je dise un certain mot. Je dise un certain mot. C'est sur ses lèvres. Et là, en plein témo. Avec la cape. C'est ton souci, ça. J'ai envie de. Rémi m'a dit pénis, et puis je sais pas ce qui s'est passé. Sensible au pénis, je suis désolée. J'envie, parce que je pense que toutes les personnes qui nous regardent sont en train de fantasmer sur Rémi Magic pour montrer à quel point, bon, c'est un gentilhomme, on l'a vu, mais à quel point il peut être salope, enfin salaud. Voilà. Non, c'est trop putophobe. Salope, ça existe aussi. Mais non, enfin, on dit salaud. Il y a une personne. Je peux raconter sinon. Il y a une personne qui avait apparemment. Un peu mal réagi à ses expériences d'hypnose, qu'il avait un petit peu mal vécu. On était en soirée ensemble, et bien pour faire chier les gens, il s'approchait d'elle, il dit « Mais de toute façon, tu sais, les personnes qui ont été déjà hypnotisées par moi sont plus habituées par le son de ma voix. » La personne flippait sur place, parce qu'elle voulait plus se retrouver dans cet état. C'est un monstre, messieurs, mesdames. Je peux pas dire. C'était Eva. Ah oui. je lui ai fait élever des cochons. Voilà, elle était dans une ferme, elle élevait des cochons. Aussi, ouais, je lui ai fait oublier le chiffre 5. C'est énorme, ça. Je pourrais, pas aujourd'hui, mais... Et à l'étape supérieure, il peut faire semblant qu'il ait une tête flottante. Aussi, ouais. Ou alors, je peux faire un truc génial, c'est je peux devenir invisible pour la personne, donc la personne ne me voit plus, et je prends un bonbon, et je le mets dans mon... Donc je prends le bonbon, je fais attrape le bonbon. Donc la personne voit déjà un bonbon qui vole. Donc c'est un peu... C'est comme j'avais déjà qu'il faut trop que tu nous fasses ça. C'est un certain niveau auquel je suis encore sceptique du coup. Je veux voir ça. Ça, je veux trop voir ça parce que j'y crois pas. Là, vraiment, j'y crois pas. Non, j'y crois pas non plus. Non, mais je pense que c'est possible. Mais vous faites quelque chose parce qu'en fait, ce qui est marrant, c'est que mon frère, il a démarré aussi l'hypnose et quand il m'a montré les bases qu'il avait, c'était, il faisait exactement les mêmes étapes que toi, quoi. C'est en fait, il y a un truc de base qui est exactement. Il y a un. Ils font ça aussi. C'est pré-talk, induction, approfondissement. Mais du coup, en étant hypnotisé, j'ai pas vu comment les gens réagissaient, donc là, je suis un peu deg. Donc, qui était dedans là? T'as été filmé, t'inquiète pas. Ah merde. Tu vas pouvoir te revoir en train de faire. Le cœur. Tu t'es effondré. Il y a un truc que je déteste, c'est de dormir en public. Je me sens tellement vulnérable. Oh, par contre, tu le vois pas, mais on t'a dessiné plein de trucs sur le visage. Des pénis. Des pénis. Et tu as trop regardé dans le miroir. Ah. Ah oui, et donc le bonbon que j'ai en tant qu'invisible, le truc qui est hyper amusant, c'est que pas toutes les personnes ont la même perception de l'invisibilité. Donc c'est-à-dire que quand je prends le bonbon et que je le mets dans ma main fermée, il y en a qui ne voient plus le bonbon. Mais il y en a qui continuent à voir le bonbon, alors que j'ai ma main fermée. Même si tu le manges. Et du coup, c'est amusant parce que quand je dis attrape le bonbon et que j'ai la main fermée, j'ai une personne une fois qui essayait de choper le bonbon. Donc, elle chopait ma main comme ça. Et elle fait, mais il y a un truc autour, mais c'est quoi? J'ai grave envie que tu me le fasses. Elle se rend pas compte que la voix, elle se rend pas compte que la voix n'a plus de corps. C'est pas... J'ai mis des fusibles pour qu'elle trouve pas ça compliqué. Ah oui, alors les fusibles, c'est des suggestions du genre. Tu ne trouveras pas ça étrange. Ah, ça sera okay. Juste amusant pour toi. Mais j'ai juste une question à propos du mec dont tu parlais tout à l'heure qui pouvait hypnotiser des gens en leur serrant la main. Ericsson, ouais. C'est des gens qui avaient déjà eu contact avec lui avant. Ou comme ça, mais non, comment il fait du coup en fait, il avait une certaine technique en serrant la main de retirer ses doigts vite fait. Et ça... Donc c'était ce qu'on appelle une rupture de pattern, c'est-à-dire tu casses un mécanisme qui est habituel. C'est par exemple quand j'ai fait l'induction des papillons. Donc l'induction des papillons, c'est-à-dire je mets mes mains à peu près 20 cm des yeux de la personne et je commence à agiter mes doigts. Puis avec ma main, je fais des mouvements horizontaux et latéraux. Non, verticaux et horizontaux. Dictionnaire, s'il vous plaît, aidez-moi. Rémi, tu entends ma voix, tu ne fais plus de faute de grammaire, mais tu entends ma voix. et donc les papillons, et donc la personne va donc suivre les papillons, et à un moment, au lieu de continuer le mouvement, je vais juste claquer des doigts et dire dors, et je tire sur l'autre main aussi. Ça, c'est une rupture de pattern, parce qu'il y a un schéma qui est en train de s'installer, et d'un coup, je casse le schéma. Quand on serre la main, c'est pareil. Enfin, c'est juste qu'il est trop fort et du coup il arrive à le faire dans un laps de temps tout petit alors que toi t'as besoin d'une préparation. Et puis je pense que ce mec avait une aura à ce stade-là. Pareil, Mesmer, juste à le voir, tu sens qu'il y a... Il a quand même fait croire à Michael Youn qu'il était enceinte et qu'il était sur le point d'accoucher quoi. Et que son bébé c'était une peluche. Mesmer m'a fait perdre ma jambe gauche au Vietnam. Tu l'as vu toi? J'ai été hypnotisé par Mesmer. C'est énorme. Il t'a fait perdre ta jambe gauche au Vietnam. Ouais, il nous a mis dans un avion. Donc il y a tout le monde. D'ailleurs il fait, vous conduisez l'avion. Et là je me suis dit, mais tout le monde est... Alors c'est perturbant parce que j'étais donc sur scène et j'avais conscience d'être sur scène en fait. Mais j'étais un peu sorti de transe parce que j'avais eu plein de chemin à faire pour descendre. Et c'est dommage qu'il m'ait pas vraiment réhypnotisé comme il faut. Donc j'étais un peu entre deux. Mais je pouvais pas ne pas faire ce qu'il me disait dans ce cas-là. Enfin, comme la main collée, hein, c'est le même... Voilà, en fait, on a une petite conscience, on a encore nos petites voix. Enfin, perso, c'est ce que j'ai eu. Mais j'avais envie de te suivre parce que, waouh, putain, moi, attends, ça le fait facilement. C'est parti. Mais, vous êtes dans un avion. Et là, j'ai vu tout le monde qui prenait un volant d'avion comme un volant de voiture. Je me suis dit, ils sont cons. Parce que c'était un avion de chasse, donc moi j'étais le seul à avoir chopé un manche à balai d'ailleurs. Je me suis dit, vous êtes débiles les mecs. Et donc en fait, donc on est en avion, on décolle, il nous fait faire un combat aérien, donc on est tous sur nos chaises. T'as vraiment l'impression d'être dans un avion et de devoir faire des barrel roll. Do a barrel roll. Les autres ils faisaient des trucs de merde, lui il était dans une putain de guerre. Ouais, c'est ça. Hein. Et à un moment, ton avion se fait toucher, tu dois t'éjecter en parachute. Donc, tu es en parachute, tu flippes parce que c'est flippant. Donc, du coup, tu peux dire que ta paire Voilà, j'ai vécu la guerre du Vietnam, putain. Et on arrive sur le sol et il dit « Levez-vous, levez-vous, prenez vos armes, vite, vite, ils sont en face !» Alors toi, t'as rien dans les mains, tu fais « Des grenades, attention, à terre !» Alors tu te jettes à plat ventre, et là t'as Mesmer qui arrive, il me touche l'épaule, il me fait « Vous êtes touché, vous êtes touché !» Alors il m'a touché l'épaule, donc moi dans ma tête c'était l'épaule qui était touchée, donc je commence à faire « Ah, je suis touché, médecin, médecin !» Il me dit « Vous avez perdu votre jambe, votre jambe !» Et là c'est perturbant parce que alors tu vois ta jambe, mais dans ton cerveau, ça fait « Mec, t'as plus ta jambe, tu devrais crier. » Non, non, non, je te jure, tu devrais crier. Et là, tu fais « Ah, ah, ma jambe, médecin, médecin !» Il dit « Vous allez mourir. » Et là, t'es comme un con, tu fais « Non, non, un toubib, appelez-moi un toubib !» J'ai envie de traiter Mesmer de fils de pute. Mais après, voilà. Et attention, tous vos parents sont morts. Et votre femme vous trompe avec votre voisin. Voilà, et votre fils n'est pas votre fils. Voilà, donc et le truc qui fait aussi à rendre les gens totalement durs et pouvoir faire des, enfin tu sais, les mettre comme une table et faire asseoir des gens dessus et tout, c'est impressionnant. Alors ça, pour ceux qui m'ont vu tout à l'heure et qui sont allés sur la chaîne YouTube Shywick, donc Shywick, il y a une vidéo de moi qui fait un spectacle d'hypnose devant 200 personnes à peu près. Donc il y a trois numéros, c'est assez simple. Et à un moment, je raidis un mec sur trois chaises, quatre. Et j'enlève les chaises et il reste droit. Je l'avais fait aussi. Voilà. C'est le talent, ok. Et Rémi Magique en spectacle à Arcachon le 5 et le 6 juillet. Bientôt. Achetez vos tickets. Arforeza. 6-15. Et sinon, je l'avais aussi fait avec une fille qui faisait à peu près ma taille, mais qui était genre fine comme un sandwich SNCF. Si, du Renault. Voilà. Parce que autant je critiquais bien Mesmer, mais la SNCF c'est bien pire. et je l'ai allongé sur 3 ou 4 chaises, j'ai enlevé les chaises du milieu et je me suis assis sur elle. Ça alors, m'a brisé. Ouais, alors qu'il y a bien allez, minimum 20 kilos d'écart. Et elle a pas bronché. Elle ressent pas une douleur après quand elle est. Non, même pas. Ça. Même pas. Pouvoir de la féminité. Aucun voilà. Rapport. Est-ce merci. Que du coup on peut utiliser l'hypnose dans des phases critiques de l'existence du style chirurgie, oui. Accouchement du FN pour Marine Le Pen que non, il faut être politique. Gentil avec ses amis, les Noirs. Ouais. Alors le problème c'est qu'on peut hypnotiser que des êtres humains. Ah, ça prend parti, ça prend parti. N'oubliez pas d'aller voter demain. Mais ne votez pas pour le FN. Jamais, jamais. Tu es les gens, c'est mal. Soyons objectifs, il faut voter, mais pas pour le FN. Voilà. Vous ne voterez pas FN. Vous ne voterez pas FN. Ah ouais, t'imagines la manipulation. Et là, il y a tous les, gens qui votent. On est passé à deux visionnages. C'est bon, voilà. Tu vois les j'aime pas. D'ailleurs, c'est quoi tous ces Les pandas, c'est moi en fait. C'est parce qu'il y a quelqu'un. Stéphanie, tu n'étais pas là. Tu étais en transe et en même temps ailleurs. Il est fort l'hypnotiseur. Il est fort. Le truc que t'aurais trop dû faire. Essayer, c'est de d'hypnotiser les gens qui regardent et en même temps de leur demander de taper un truc sur le clavier. C'est grave. Et ben bon, on n'aurait jamais pu savoir s'il c'est avait vraiment fait à fond ou pas, mais ça aurait pu être marrant. Tu vois. Dors, Kawan. On voit qu'il y a pas besoin d'hypnose. Il est où le polyfrite? Oh, grave, j'ai faim. Bah, c'est comme vous voulez, soit on continue, enfin on termine gentiment et à midi je vais aller acheter le poulet. Ah oui, s'il y a un poulet frit, je reste. Si on sort, on va pas faire nos putes. Allez, allez, allez. J'arrête de dire pute, c'est pas bien. Courage. C'est blessant. Ah. Moi je vais vous dire bonne nuit. Voilà. Pourquoi? Parce que. Je vais prendre ta place, je vais dormir sur le canapé. Eh bien au revoir Guillaume, à bientôt. Moi j'essayais tout à l'heure de dormir par terre, c'est pas fait. Au revoir Guillaume. Au revoir Guillaume. Plus qu'une personne, voilà. Bah c'est nous. Salut Guillaume. Bon bah c'est triste. Mais non, c'est pas. T'inquiète pas, je mettrai le live en direct chez moi, comme ça il y aura au moins deux vues. Ah nickel. Puis on se reverra pour de l'hypnose. Du coup. Oui, on se tient au courant, je veux bien revenir. T'étais à fond dedans, toi, je sais pas. J'étais. C'est le truc des mains qui peuvent pas séparer, ça oui, et le reste. Vous faites quelque chose demain? Moi j'ai mal géré aussi. Je suis censé réviser. Demain je dors. Mais pas, et moi demain je vais pioncer comme ça. Ok, donc peut-être pas demain. Alors, ouais, du coup, ça sera mal. Je suis chaud pour un soir aux travaux du soir, on se retrouve dans une Sur le grand plateau, on fait une petite lumière et tout. Et moi, je filme. Mais ouais, dans ce cas-là, tant qu'on y est, j'aimerais bien qu'on me filme pour que je puisse m'entraîner. En fait. Et ce que je propose, c'est d'en parler plus tard parce qu'il nous reste 45 minutes de live à animer. Autant finir. En live, non, on va faire plutôt que de faire des trucs perso. Un résumé, ouais. On va faire le mot de la fin, je pense. Enfin, l'heure de fin. L'heure de fin, bon, on va poser des petites questions, on va jouer à des petits jeux. Puis Non, moi je voulais juste revenir sur ce qu'on a fait et que c'était super. Ouais, mais histoire de tenir jusqu'à midi, parce qu'on a dit qu'on faisait un truc de 20h à midi. Là, sinon, il reste 45 taquet, minutes, parler, hein. On est au taquet. Je suis trop en forme. Du coup. Ouais, non, moi je suis trop en forme, alors cet après-midi je serai moins en forme, je pense. Est-ce qu'il n'y aurait pas un casque à dépeindre pour moi ? Non. Il vient de lâcher le sien. Ouais. Peut-être qu'il veut arrêter de parler dans le mic. Du coup. C'est sûr que sans le casque, tu nous entendras plus. Du coup. Casque, il pique les oreilles. Non, mais sans s'en rendre compte, ça fait des heures que j'ai Il y a la deuxième Stéphanie qui nous demande si elle peut venir. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, oui. Elle va venir dans 45 secondes du coup. C'est Lina, non ? Non, c'est probablement Judith. Ah. Parce que ça a l'air cool. Qu'est-ce qu'elle dit d'ailleurs ? Alors, elle nous a dit. Alors, quand je parlais de suivre les doigts avec mon ami, elle a dit que c'était entraînement pro, bien entendu. Ensuite, elle t'a dit que tu verras le replay, TKT. Ah putain. elle a dit ouh, joli, je pense que c'est quand j'ai dit que je ne pouvais hypnotiser que les humains. elle se dédouble. C'est quand t'as dit, quand on dit, eh hey, mon Dieu, mais c'est Stéphanie aussi. Voilà, et après elle vient de dire, je peux venir. Okay. Et voilà, et elle arrive. Ouais. Elle est là. Bravo. On a l'impression qu'on va te faire rentrer Gandhi. Meuf. Salut. T'as loupé un truc. Alors, est-ce que toi, tu as subi ce moment d'hypnose ou tu étais plus spectatrice ? Mmh. En fait, t'as pas de micro, du coup. Il faut que tu parles dans un micro. Ouais. Alors, ça n'a pas fait effet sur la deuxième Steph. J'ai testé, mais ça n'a pas fait effet. Ce sont des choses qui arrivent. Et puis c'est le délai de 30 secondes et tout ça. Mais quel feignant. Bah là, au bout d'un moment... Je veux dire, est-ce que tu as assumé une émission, Rémi? Ouais, bon, d'accord. La moitié de l'émission, c'est nous qui l'avons comblée. Hein, okay. Ah non, je n'ai pas eu le courage. Moi, je dormais. Je vais répliquer un truc. Mais... non. Au bout d'un moment, on est un je m'en foutiste à fond. Quoi. Bon, on conclut, on fait le mot de la fin. Avant ça, ouais. J'aimerais faire de la pub. Alors, deux pubs, déjà. C'est gentil. C'est gentil. Donc, éventuellement, au cours du soir, on fera de l'hypnose, genre lundi ou jeudi. Jeudi plutôt ? Ouais, jeudi. Jeudi ? Ouais, jeudi. Le live. Donc, ça, de toute façon, on en parlera sur le groupe de Jean Rostand. Spoilers ! On avait presque fait toute la nuit anonyme sans dévoiler qu'on était. Bah ouais, on était anonyme. C'était la nuit anonyme, là, c'est moins anonyme. J'ai compris qu'il y avait des micros devant toi et tout, que tu parlais des gens. Ah merde! Bon, tu parles peut-être à deux personnes, donc c'est bon. C'est bon, potentiellement, dont une personne, voilà. C'est nous-mêmes. Et l'autre, c'est l'ordi allumé là-bas. On fera au montage. Non, c'est bon. On s'aime! Là, je disais. Je ne sais plus, vous m'avez perdu. Oui, allez voir Duelist. C'est un jeu gratuit et joli. D-U-E-L-Y-S-T. C'est gratuit, c'est bien, c'est. C'est cool et c'est abordable pour tout le monde. Tu t'es fait hypnotiser pour ça ou pas ? Non, c'est un. C'est un vraiment engagement. Volontaire. Est-ce que c'est tu bon. Es payé pour ce placement de produit ? Non. Et ça j'aurais voulu. Ça vient d'où ? Il y a des raisons ou pas ? Non, c'est juste que j'ai découvert ça cette semaine et je suis en train de perdre lentement ma vie en profil à ça. Mais c'est cool ! C'est pour ça qu'il n'est pas resté cette nuit ! Exact ! Aïe aïe aïe. Oh, gros geek ! C'est bon. Non, c'est pas vrai. En plus, j'ai dormi qui préfèrent perdre leur vie ici. Hein. Et ta Bonjour. Et du coup, ta deuxième pub. Mais du coup, si c'est anonyme, je peux pas faire de pub pour mon blog. Si. Pour les gens que ça intéresse, je tiens un blog où je poste majoritairement de la poésie parce que c'est un truc qui me plaît. Parce que c'est un poète. Parce que je suis un poète. Poète. Voilà. Mais sinon, je. La fatigue. Aïe, aïe, aïe. Putain, les grands esprits vont se rencontrer. Sinon, je poste aussi parfois des. Ah non, on a perdu l'autre. Je poste aussi des critiques de films, d'animés, et surtout, je poste des posts qui s'appellent. Wow. C'est conceptuel. Vie ma vie d'étudiant, où je raconte un peu ma perception de la vie étudiante dans la ville où je suis. Donc c'est kitsute.blogspot, kitsute.blogspot.fr, et c'est cool. Comment tu le prononces ? On mettra des liens. Kitsute. On mettra des liens, je suppose, sur. On mettra des liens quand on postera. C'est un mix entre replay, ouais. Kitsune et T. Voilà. Un kitsune, c'est quoi ? Un kitsune, enfin un kitsune, du coup, vu que c'est prononciation japonaise. C'est. Un démon renard oui, présent dans la mythologie. Un yokai. Voilà. Le Naruto. Fenard. Fenard avec un kitsune. Trop lié.